Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. On recommence nos bulletins de sport local et régional avec après une longue pause. On sait qu'on a eu des problèmes avec notre site internet. Le tout est maintenant revenu à la normale. Les entrevues sont débutées depuis environ 15 jours, mais on recommence que ce matin le sport local et on commence avec sur les chapeaux de roue puisque c'était une grosse fin de semaine de sport dans le secteur. Et tout d'abord, on va commencer avec le repêchage de la Ligue de hockey, de la Ligue nationale de hockey qui s'est déroulé à Buffalo en fin de semaine, où Samuel Girard des Cataractes de Shawinigan et natif de Robertval a été sélectionné en deuxième ronde par les Prédateurs de Nashville. En entrevue ce matin sur les ondes de DanRadioSport.com, Samuel Girard s'est dit quand même très très heureux d'habiter à Nashville, même s'il n'avait pas eu beaucoup de contrats. J'ai rencontré au Combine, mais à part de ça, je te dirais que non. C'était vraiment une surprise pour moi de m'en trouver là. Je m'attendais vraiment pas à être repêché par eux. Là. Mais je suis très heureux de faire partie de cette organisation. Et dans un deuxième temps, il est très heureux d'aboutir à Nashville puisqu'il développe très très bien leur jeune. On n'a qu'à penser qu'à Shea Weber, qui sera le mentor de Samuel Girard. Ouais, je pense que je vais pas demander mieux. Là, et je m'en vais dans une place où ils développent très bien leurs défenseurs. Écoute, ils ont des très bons défenseurs. Ils ont chez Weber, Joe aussi, Ellis. Ouais. Ils ont des très bons défenseurs qui développent très bien. Fait que je pense que c'est bien pour moi. Puis comme tu dis, je pense que c'est une très belle ville aussi. Écoute, les partisans là-bas, ils ont de l'air assez intense. C'est le point quand les joueurs et les partisans sont comme ça. Fait que, je pense que on sait que Trevor Timmons a dit tout au long de la fin de semaine qu'il a été déçu de ne pas avoir repêché le joueur natif de Robertval. Et Samuel Girard aurait été quand même fier de porter les couleurs du Canadien. Ben écoute, ils m'ont pas vraiment dit grand chose par rapport à l'avenir, là, mais le recteur du Québec, là, Jean-Philippe, là, il m'a dit que lui, il me voyait pas là, puis genre il pensait jamais que j'allais être libre encore au 47e rang, fait que il était très heureux de m'obtenir. Puis lui, ben c'est ça qu'il me disait, qu'il venait de Trois-Rivières, puis qu'il m'avait vu beaucoup jouer cette année à Shawinigan, puis qu'il aimait comment il jouait, fait que je pense qu'il m'a fait confiance. Puis ok. Parlons maintenant de Shane Gauthier qui a disputé son premier match en carrière dans la Ligue canadienne avec les Blue Bombers de Winnipeg vendredi soir contre les Alouettes, et Shane Gauthier était évidemment très très content de la tournure. C'est super le fun, c'est excitant, c'est rapide, c'est... Parlons maintenant de Shane Gauthier. Shane Gauthier qui a disputé son premier match dans la Ligue canadienne au cours de la dernière fin de semaine avec les Blue Bombers de Winnipeg. Shane Gauthier a adoré son expérience et il nous en parle. C'est super le fun, c'est excitant, c'est rapide, c'est... Et dans un deuxième temps, il aimerait bien revoir quelques jeux qui a manqué au cours de ces séances où il a participé à la rencontre. Il y a toujours des choses à améliorer, mais sinon, ça a bien été en général durant le match. Là, et il y a quelques jeux que j'aimerais revoir, mais ça, à chaque match, il y a toujours quelque chose à améliorer. Fait que faut être constructif puis tout le temps bâtir là-dessus. Okay. Voilà pour Shane Gauthier, c'était la 11e édition également des régates de Saint-Félicien. Un record d'assistance pour les régates au cours de la fin de semaine. On estime qu'il y a eu environ 25 000 personnes qui ont passé tout au long de la fin de semaine à Saint-Félicien. C'est un record, c'est sûr qu'on avait fait un virage. On estimait que le virage de présenter la compétition à la Saint-Jean-Baptiste allait apporter beaucoup de retombées pour l'organisation des régates, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, dans les différentes catégories maintenant, on va y aller avec la catégorie qui est la catégorie reine des régates, soit la catégorie Grand Prix. C'est Bert Anderson, l'Américain, qui a remporté une deuxième victoire d'affilée sur les eaux du lac Saint-Jean. Il a défait, entre autres, Éric Langevin. Dans la catégorie Hydro 350, Jimmy King a remporté la victoire. Nicolas Rousse a terminé au deuxième rang. Maintenant, pour les vétérans F2500, c'est Donald Leduc qui a remporté la victoire. Yann Beaupré a terminé en deuxième place. Et Claude Abbott, dans la catégorie 2.5 litres, a été le meilleur. Le président des régates de Saint-Félicien, Régent Côté, était évidemment très heureux de l'événement. Des beaux records un petit peu partout, des belles participations. Le nombre de bateaux extraordinaires. Ils ont donné des spectacles aussi Et dans un deuxième temps, Régent Côté a indiqué que le virage de présenter de la compétition à Saint-Jean-Baptiste a été bénéfique pour l'organisation. C'est fortement positif, oui. On est sûr que c'est positif maintenant, beaucoup. Autant au niveau des coureurs que ça a été apprécié, tant au niveau du nombre de bateaux qui fait qu'il y a encore des bons budgets et que les bateaux ne sont pas brisés. Tant au niveau participation, c'est les écoles viennent de finir, donc beaucoup de participation au niveau des parents avec les enfants. C'est tout point. Donc. Et je termine avec des nouvelles de la boxe. Il y a le boxeur Fancy Ntetho qui a perdu sa première défaite en carrière. Francine Ntetho qui s'est incliné par arrêt de l'arbitre au 7e round contre David Benavidez. C'était une défaite dans la controverse puisque Ntetho a perdu suite à l'arrêt de l'arbitre au 7e round puisque le boxeur natif de Chicoutimi avait l'œil enflé et l'arbitre a décidé de mettre fin à la rencontre. Le sport local et régional à donnerdesport.com, on s'en occupe.